À l'occasion du 90e anniversaire du décès de M. Kim Yong-ji, combattant révolutionnaire indomptable et éminent dirigeant du mouvement de libération nationale anti-japonais en Corée, ont été déposés le 5 courant des couronnes de fleurs devant sa statue en bronze à la commune de Ponghwa de l'arrondissement de Gangdong de la ville de Pyongyang et devant sa tombe à Mangyongdae. La couronne en nom du camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée et premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a été déposée devant sa statue et sa tombe. Aux cérémonies, ont pris part les quatre responsables du parti, de l'État et de l'armée, le président du parti ami, les officiels des organismes du parti, du cabinet ministériel, des forces armées et des formations travailleurs, des ministères et établissements centraux, les travailleurs et les jeunes et étudiants. Devant la statue et la tombe de Kim Yong-ji sont déposées les couronnes au nom du comité central du Parti Travail de Corée et des organisations des travailleurs, ministères, établissements centraux, écoles révolutionnaires, établissements d'éducation et des organes du parti et du pouvoir, des entreprises et fermes de la ville de Pyongyang. Sa statue à l'arrondissement de Sakju de la province du Pyongyang du Nord et à l'arrondissement de Chungang de la province du Jagang sont fleuries le même jour.